Le comité préparatoire national mexicain consacré aux journées du soleil et de la brillante étoile vient d'être constitué le 11 courant. Le comité préparatoire a décidé d'organiser à ces occasions significatives coréennes diverses cérémonies politico-culturelles pour exalter les exploits du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il et présenter et vulgariser les fières réalisations du peuple coréen obtenues dans la lutte pour une puissance socialiste et la souveraineté du pays sous la direction sage du dirigeant suprême Kim Jong-un.